Bon, allez, j'allume le micro d'énergie et on est reparti. C'est Cédric. Bonjour tout le monde. 4h énergie, on est mercredi. Avec le meilleur de Mickaël, le Rico Show, le meilleur de Koé, le meilleur de Manu dans 6-9 sur énergie. Et comme d'hab, vous y préférez aussi Calvin Harris et Sam Smith. Are you drunk or no? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Plus de 4 heures sur énergie. Bon réveil tout le monde, c'est Cédric. J'espère que tout va bien ce matin. On va écouter Pink là dans la playlist énergie. Concert énergie le 3 juillet à Paris La Défense Arena. Ça va être très très cool. Les infos, les réseaux énergie.fr à partir de mercredi prochain. Voilà. Pink dans la playlist énergie. MHD The Prince Karma, ça arrive avant de le retrouver ce soir à 23h. Voici le meilleur de Mickaël sur énergie et on a parlé parc public sur énergie. Écoutez. On se fait les appels bienveillants maintenant avec. Ah oui, j'ai oublié de vous annoncer, Amina, grande nouvelle. Vous savez qu'en général, en fin de saison ou début de saison, il y a toujours des changements dans les équipes, dans le foot, la télé, à la radio, etc. Mercato, quoi. Voilà, c'est ça, Christophe nous quitte. Comment ça, Toff ? Eh oui. C'est pas vrai. Il part à Montréal. Ah oui. Ouais. Il s'en va. Enfin ! Allez, eh oui, ça y est, nous en serons débarrassés. Non, il part parce qu'il existe un parc où les gens font l'amour en public depuis les années 50. Et donc personne ne sait vraiment comment ça a commencé, mais le maire de la ville voudrait faire arrêter cette pratique. Donc Toff s'en va avant que ce soit terminé. Bah oui, c'est ça, parce que sinon après je vais rater ça. Voilà, pour pouvoir faire l'amour dans un parc public. Légalement. Non, bien, légalement. Hein. Quelle ambition. Voilà. Merci. C'est pas mal quand même. Hein. Bah oui. Donc, du coup, tout le monde le fait vraiment là-bas, tu crois ou... Non, tout le monde, je pense pas. T'es intéressé ? Mais non, mais ça me paraît bizarre quand même. Enfin, je sais pas, il me semblait que les Canadiens étaient des gens sensés, donc je suis un peu étonné. Bah écoute, la preuve que non. Hein. Force est de constater que non, visiblement même. Oh. Bon, Toff, tu appelles ? Ah bah oui, allons-y. Bon, allez hop, c'est parti, on y va en appel, toujours grâce au numéro que vous envoyez sur toph@energie.com. Des fois que tombe sur une meuf sympa, elle peut venir avec toi à Montréal, hein, pourquoi pas. Bah oui. Voilà. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir monsieur ! Oui, bonjour ! Oui, bonsoir, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà fait l'amour en public, monsieur ? Non, bah avec sa femme seulement, c'est plus la mère. Non, monsieur, pas de ça entre nous, ça se dit pas, des choses comme ça. Hein, est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels en public ? Avec ta femme, ça fait deux fois que je te le dis. Non, mais non, monsieur, j'ai pas de femme, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Pardon ? Non, je dis, c'est pas possible, j'ai pas de femme, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah, oh, t'es pédé ? Bah moi aussi, on s'est tombé. Non, monsieur, pédé, ça se dit pas, c'est homophobe, monsieur, c'est pas bien de dire ça. Non. Ah, c'est vous que c'est pas bien. Mais c'est tout. Allô ? Oui ? Ma femme, elle est tout nue, elle crie. Ah oui, donc vous avez déjà fait l'amour en public alors ? Avec ta femme, je t'ai déjà dit. Mais je viens de vous dire que j'en avais pas, monsieur, donc c'est pas possible. Ah non, c'est pas avec ta femme, c'est pas avec ta mère. Ah, d'accord. Et vous aviez fait ça où avec ma mère, monsieur ? Ah, mais il a raccroché. Très bien, on va rappeler. Hop là. C'est bon déjà. 12 messages pour savoir si Toff part vraiment. C'est une vanne. C'était pour rire. T'imagines le mec qui abandonne toute sa life juste pour aller baiser dans un parc. Allez, on rappelle. Allô ? Oui, je m'excuse, monsieur. On a été coupé. Ah oui. Parce oui. Que du coup, vous m'avez pas dit si vous aviez déjà fait l'amour en public et où avec ma mère. Oui, ouais, oui. T'es chiant, toi, mais laisse-moi parler, c'est mon copain. Oui. Allez. Et alors ? Oui. On était où ? Eh ben, on en était. Donc, moi, je voulais savoir si vous aviez fait l'amour en public, monsieur, c'est tout. Avec ta mère, c'est dit, mais t'as pas de mère. Bah, si, j'ai bien une mère, monsieur, mais alors vous avez fait ça où avec ma mère, monsieur ? Attendez, pardon ? Vous avez fait quoi ? Non, je demandais où vous l'aviez fait avec ma mère. Dans ton lit, c'est toi ? Ah bah oui, donc c'est pas en public. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas. Ouais, c'est pas ah bah bête, oui, monsieur, c'est bête ce que vous dites. Ah ouais ? C'est avec sa sœur. Bah peut-être, mais c'était où, monsieur ? C'était ça la question. Eh, tu sais que je vais t'avoir, nana ? C'est un téléphone d'entreprise. Oui. Je vais avoir ton numéro. Bah, je peux vous le donner, monsieur, ça ira plus vite. Donne-le-moi, vas-y, donne-le-moi. Alors, c'est 0140. Ouais. 71. Ouais. 50. Ouais. 00. Bien. Allez, oh non, madame, mais c'est pas gentil de dire ça. Elle est méchante. Hein. Bah oui, alors que moi j'appelle gentiment monsieur pour partager une bonne nouvelle. Mais le gars, il est. Le gars, tu sais, il parle. Bah non, je m'en. Allô ? Ah, il vient de nous raccrocher. Bon, allez hop, on rappelle, c'est parti. Oui, allô ? Allô ? Oui, je m'excuse, on a encore été coupé. Encore ? Bah oui. Bah oui, je comprends pas ce qui se passe, monsieur, alors que bon, il suffirait que vous répondiez à la question, quoi. Ouais, tu veux la question de quoi ? Bah, je voulais savoir, en fait, ce que vous avez déjà fait l'amour en public, monsieur, c'est tout. Je l'ai dit tout à l'heure avec ta mère. Mais oui, d'accord, mais ça me dit pas où, monsieur ? À la mer, sur le sable. Ah, d'accord. C'était le soleil se couchait. Ah oui, d'accord, vous êtes un grand romantique. Hein ? Ah, moi, j'adore ça, moi. Bah oui, j'entends ça, monsieur. Mais elle criait, oh là là. Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Mais parce qu'en fait, moi, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, monsieur. C'était pour vous dire qu'à Montréal, vous pouvez faire l'amour. Il y a un parc où vous pouvez faire l'amour. Bah, on y va, on dit. Eh ben voilà. Eh ben comme ça, maintenant, vous le savez, monsieur. Voilà. Bon. Eh ben, une bonne soirée. Pardon, est-ce que tu connais Sarah ? Non, je connais pas Sarah, monsieur. Sarah Croche. Oh, ils nous l'a fait. Qu'est-ce qu'ils sont drôles. Oh là là. Très bien. Bon, ben voilà. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Yeah. most? Can you wear it on your sleeve? Salut tout le monde, bonjour, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Énergie. C'est vrai qu'on est mercredi, on va écouter MHD dans la playlist Énergie. The Prince Karma, juste derrière, c'est pour Fanny, elle est au boulot ce matin, elle est infirmière à Lyon. The Prince Karma pour vous ce matin, et puis le meilleur du Rico Show, 20h, 23h tous les soirs. Et c'était encore bon délire hier dans l'émission, écoutez, c'était sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h, 23h sur Énergie. Yes les amis, dans la teuté de Rico, il y a tous ces signes qui montrent qu'on est amoureux. Voilà, ça pleut, on a des façons de se conduire qui sont très étranges parfois. Massard. Alors moi déjà je ne mange plus. Quand je suis amoureux, je n'ose plus manger devant la personne. Arrête. J'ai peur déjà de manger comme une cochonne, ça se dit. Oui. Comme un cochon, quoi. Et d'avoir des trucs dans les chicots et de puer de la bouche. Enfin, c'est vrai, je mange pas, moi, quand je suis amoureux, je te jure. Ah, t'es comme ça, il n'y a pas de repas? Non. Il n'y a pas de dîner? Je regarde la personne. Sylvain, ça commence à être intéressant. Elle est moins chère que prévu, celle-là. Bah écoute, déjà, si t'enlèves la bouffe, quand t'es en couple, tu sais, au début, tu te fais des petites bouffes, mais des oui. petites sorties. Si elle bouffe même plus un popcorn aussi noche, elle commence à devenir intéressante. En plus, elle a la carte senior. Tu peux faire pas mal de choses avec elle, JM. En même temps, c'est normal quand Sarah elle mange, c'est vrai ou pas? Ouais. Elle mange souvent la bouche ouverte et ça gêne quelqu'un dans l'équipe. À chaque fois, il lui dit arrête de manger la bouche ouverte et tout. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle a peur. Ça fait mon charme. C'est vrai, ouais. Moi, je mange la bouche ouverte et j'en fous partout, en fait, je bouffe pas. C'est pour ça. Non, mais t'es horrible, Sylvain. Ah, ben tu sais, quand tu commences à sentir l'odeur du popo de ta femme et que ça te plaît en plus. Ah, ça veut dire que c'est amoureux. Là, tu commences à être amoureux. D'ailleurs, elle lui laisse un tupperware avant de partir. Elle lui laisse un tupperware pour qu'il puisse la renifler. Non, mais c'est vrai. Bah, arrête. Mais non. Mais t'es scato, toi, je suis désolé. Bah, c'est chaud. N'importe quoi. Ah oui, tu aimes l'odeur de... Non, j'aime pas toutes les odeurs. Ah. Mais quoi, je suis amoureux, j'aime. T'aimes bien humer ta femme après. Mais non. Non, mais au bout de quelques années, quand même. Ouais, mais bon, ça tombe bien, t'as jamais été en couple. Alors, t'as eu une relation si de 7 ans. Oui. Est-ce qu'à la fin, t'aimais humer sa mère? Moi, j'ai une vie avant vous. Hein. Non, mais arrête, t'es sérieux, toi? Quoi, bah oui. T'aimes humer le... Non, mais pas humer, mais je veux dire que ça te gêne pas. C'est ça que je suis en train de te dire. Ah si. Toi, t'es du genre à te faire choper avec la petite culotte sur le nez. Ouais. Bah non, mais n'importe quoi. Mais déjà, tout le monde fait devant le couple, en général. De quoi? Il s'enfonce, le mec. Mais quoi, mais devant le couple? Bah, quand tu fais popo. Oui. Tu fermes jamais la porte en général. Ah ouais. Bah ferme la popo. Ferme la potard. Ok, j'aime. Non, tu sais que t'es amoureux quand sur le téléphone tu mets un petit cœur à côté du prénom de la copine. Là, ça veut dire, tu vois, parce qu'au début tu mets normal. Au début même tu mets des fois la ville où elle est, selon la ville où elle est. Après tu mets le nom de la boîte où elle est, selon où tu l'as rencontrée. Ah oui. Et quand c'est vraiment intéressant, que tu es en train de tomber amoureux, tu mets un petit cœur. Ah oui, au début tu mets Sarah Marseille. Voilà, c'est ça. Et après tu développes, tu rechanges, tu mets ma vie. Sarah copine quoi, voilà, Sarah petit cœur. Et après le cœur, et là ça veut dire que tu es dedans. Quand tu mets pomponnette ou doudou et que t'acceptes que tout le monde regarde ton téléphone avec écrit doudou, c'est que t'as franchi un cap. Parce que ton téléphone il traîne toujours partout. Oui. Donc à un moment donné, quand t'as la petite alerte avec écrit doudou mon amour, c'est que t'es dans une phase hyper canard. C'est ça. Voilà. Parce que là t'y es, c'est gagné, c'est-à-dire que tu ne crains plus rien, t'es amoureux. Et le fond d'écran aussi, t'as oublié. Ah ouais. Oh là là, la photo de fond d'écran avec ton mec. Ah ouais. Oh là là. Une quand tu verrouilles, une quand tu déverrouilles. Ah ouais. Mais ouais, ça change. Attention, tu fais choper. Il est quand c'est déverrouillé et quand tout, il est en fond. Mais autrement, il est au lit. Eh ouais, you. Non mais c'est vrai, c'est des signes qui ne trompent pas. D'ailleurs, il y a Stéphane de Poitiers qui va réagir. Ça va, Steph? Ouais, salut Rico, salut. Salut mon pote. Salut. Merci d'être là, mon Steph, d'avoir fait le 0870 42 48. Raconte-moi un petit peu, Steph, toi, tes signes lorsque tu es amoureux. Ah bah quand t'es amoureux, t'as plus d'historique porno sur ton PC. Ah bah merci. Quoique. Ouais. Ça s'appelle déjà l'amour propre. Ok, ouais, d'accord. Donc déjà, ouais, t'as plus d'historique, t'es radique ça. Moi, quand j'aime une nana, je stresse même quand Pizza Hut m'envoie un message. Ouais. Parce que tu sais pas pourquoi, à tout moment, t'as le passé qui peut ressurgir. Mais oui, non, c'est vrai. Et tu sais que tu vas t'embrouiller pour un truc et d'y a deux piges. T'as raison. Non, c'est énervant, c'est vrai. Je te jure. T'es en panique. Non, mais ça remonte plein de trucs en moi. Bah, t'as raison. Mais moi, je te jure, je suis en panique. Moi, les numéros privés, les numéros que je connais pas, je ne réponds jamais. Mais ouais, à tout moment, il y a un mec qui dit CAF 203. Ils sont passés au sujet. T'es pas à la 203, la cadeau. Je sors de Zonze. J'avais pris 5 ans. Et là, je suis prêt. T'es plus dans ta cave. T'es où? Le temps a passé, cadeau. T'es malade. Ah, bah écoute, j'aimerais bien connaître ton passé. J'aimerais bien m'introduire. Ouh, calme-toi, par contre. Ouais. Un jour, Sarah, on reviendra dans ses caves. Mais il est malade, toi. Là où elle rangeait le vélo. Là où elle rangeait le vélo. Bien sûr, oui, je faisais du cycliste. Du cycliste. D'ailleurs, vous voyez, elle pédalait beaucoup. Ah ouais. À mon avis, elle allait souvent à la gourde. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquive. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma belle. Seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl so sexy, the way she dance so sexy. So she give me love sexy. You making me once more sexy, yo. With your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Make we my they go, baby girl, so. Me go make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Donne-moi un sourire, un regard ou un petit câlin. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est entrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey. Aïe aïe aïe aïe. Mon cœur va chier là pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. to wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Vous êtes ici sur Energy, c'est Cédric. On attaque cette belle journée avec Shawn Mendes, sur aussi Marshmello et Bastille dans la playlist Energy Happy Hour. Voilà, ça c'est cool pour vous ce matin. Et puis on se aussi le meilleur de Koé. Il vous offre dans le Cash Cash Energy à 17h30 tout à l'heure jusqu'à 10 000 euros. Bah, profitez-en pour vous inscrire. Vous envoyez Koé au 7-10-12 maintenant. Koé à 17h sur Energy cet après-midi. Et là, c'est le meilleur de l'émission sur Energy. 17h-20h. C'est Koé sur Energy. Voici l'appel jeu de mots. Je prends 3 personnes en France. Je les appelle, il faut que les 3 restent en ligne. C'est une règle du jeu que nous avons lancée. Il faut que les 3 restent en ligne. Et les 3 mis bout à bout, ça forme quelque chose. D'accord. Okay, okay. Nous allons appeler. Alors, j'ai monsieur Alfren Noum. J'ai monsieur Ayei. Et j'ai monsieur Anoum. Je l'ai. Vous l'avez? Oui. Okay. Rapport à une chanson. Absolument. Et éventuellement, nous allons tous chanter ensuite. Mais même ça, je sens que... Non, arrête, tu es négatif. Je vais être positif. Youpi. On est en direct, hein, vous savez, tout peut arriver. Allô? Oui. Monsieur Noum? Oui. Bonsoir, je suis Koé, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous, monsieur Noum? Ça va. Ah, ça va magnifique. Alors, je vous appelle, je voudrais vous présenter 2 autres personnes, monsieur Noum. Et peut-être que grâce à vous, nous allons vivre un moment exceptionnel. J'ai Allô monsieur Anoum en ligne. Monsieur Anoum? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Anoum. C'est monsieur Koé, je vous présente monsieur Noum. Vous êtes bien sur les messageries. Ah. On va rappeler, s'il vous plaît. Allô, on peut rappeler la troisième personne. Monsieur Anoum, vous êtes là? Oui. Vous êtes là, Noum. Donc. Et monsieur Noum aussi? Oui. Il me manque une personne. C'est une blague, ça peut pas marcher. Mais enfin, monsieur Anoum, je vous en supplie, j'ai encore besoin de vous 30 secondes. Quand je vous dis que je sentais pas ce qui allait se passer dans cette émission. Mais c'est toi que tu portes l'œil là. Les mauvaises ondes. Il me manque une personne pour faire un gag de folie, monsieur Noum et monsieur Anoum. Mais un gag à s'enrouler par terre sur des kilomètres. Voilà, à ça. Je vous dérange, monsieur Anoum? Un peu, oui. Ah, pardon. Vous faisiez quoi? Je suis avec mon bébé. Ah, quel âge il a? 4 mois. Ah oui, mais il dort là.

and I'm left there with my thoughts. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. Sur Énergie, bon réveil tout le monde avec oui la playlist Énergie pour attaquer la journée. On va écouter Soprano, peut-être le double hit pour gagner vos places pour les Energy Music Awards. On les fait gagner ici toute la journée. Dès que vous entendez deux Sopra à la suite, vous appelez Énergie 3937. Soprano, Basie avec Camila Cabello, il y aura aussi Aya Nakamura. Et avant de le retrouver à 23h tous les soirs sur Énergie en direct, c'est le meilleur de Mickaël sur Énergie. Écoutez, on va jouer au taxi du bled avec Kevin qui est avec nous à Lourdes. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Comment vas-tu? Vous allez bien? Très bien, vous? Bah, très très bien aussi, Kevin. Bon, on va jouer au taxi du bled maintenant. Le principe du jeu est donc très simple. Tu vas choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas tenter de battre. Tu veux donc jouer contre qui, Kevin? Statistiquement, Toff est le plus facile à battre. Ah bah, Polo, très bien. Polo. Bon, le principe est simple. On va appeler dans une société de taxi, on va appeler à Rennes. Et donc, bah, le but, c'est que tu demandes dans quelle ville tu veux partir? Loin. Allez, on va dire Budapest. Où ça? Villers-Pest. Budapest. Ah, Budapest. Ah, d'accord, ok, très bien. Hongrie, tout à fait. Ah, bon, oui. Parfait. Et donc, le but, c'est que tu lui demandes de partir en Hongrie, à Budapest. Et bah, il doit accepter, tout simplement. Après, t'arranges comme tu veux, tu fais ce que tu veux. On s'en fout. Tu fais comme tu veux, quand tu veux, tant qu'il dit oui. C'est ça. Même s'il dit ok, bah écoute, on se rappelle demain, c'est bon. Tant qu'il dit ok, oui, pas de problème, on valide. Ok, tant que c'est pas un non, je te raccroche à la gueule, ou un non, merci, au revoir, ça m'intéresse pas, évidemment. Bon, tu commences ou tu laisses Polo démarrer? Allez, Polo démarre. Allez, Polo démarre, c'est parti, on y va, on appelle à Rennes, pour une fois il est content, c'est pas à Marseille. Ah oui. Bonne chance, Popo. Merci. Allez, Popo. Je vais à Rome. Tu vas à Rome, très bien. En week-end? Ouais. Oui, allô, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à une heure si tardive. J'ai besoin d'un renseignement. Je cherche à partir de Rennes d'ici deux, trois jours. Parce qu'en fait, je travaille sur Rennes en attendant. Je dois partir sur Rome. Et je voulais savoir s'il y a possibilité que vous m'emmeniez. Parce que j'ai une peur panique de l'avion et des transports. Je n'arrive pas à prendre des transports en commun. C'est de la peur comme ça. Le seul moyen que j'ai, c'est de prendre un taxi. Bien entendu, la société paye, donc ne vous inquiétez pas pour. C'est-à-dire que je vous paye l'aller-retour, hein, bien sûr. C'est possible ou pas? Je vous entends pas. Non, je ne suis pas présent sur place, je ne fais pas de déplacement comme ça parce qu'il faut être payé. Attendez, j'entends pas, vous avez un problème? Il y a un problème, je vous entends pas du tout. Je dis pas, déplacement aussi loin, il faut être payé avant de partir. Oui, mais je vous paye avant de partir, il n'y a pas de problème. Vous me dites combien je vous dois, je vous paye. Et vous me faites le ticket pour ma société, il n'y a pas de problème. Est-ce que, dans la, est-ce que vous, de vous être. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder à droite à gauche. Après, si vous, vous me dites c'est possible, moi, je vous rappelle dans deux jours et puis on gère ça. Mais après, vous me dites si c'est possible. Ah, moi, si vous me dites pour y aller, je trouverai toujours quelqu'un pour vous amener. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Très bien, hop là, 1 minute 20. Voilà, ça a traîné, putain, ça a traîné. Non, mais là, il a son merde dans la bouche, Salou. Okay. Allez, mais dans ces mecs, les mecs de Rennes. Non, mais on l'entend pas. Mais attends, tu l'entendais, toi. Moi, non, j'avoue, il avait un téléphone de merde. Bon, bon. C'est vraiment un mec bizarre un peu, grave, quand t'appelles le gars. Pourquoi ouais, t'as l'impression qu'il va le frapper. J'ai l'impression que je trafique du. Je crave un truc. Bon, Kevin, 1 minute 20, score à battre. À toi de jouer, ma gueule. Ça va aller. Ma technique, donc ça va être. Mais non, mais tu peux refaire la même, c'est pas grave. Tu peux refaire la même, c'est pas un problème. Ouais, non, mais bon, comme je travaille sur les croisières, c'est juste ça. Bon, vas-y, débrouille-toi, Kevin. Bonne chance. 1 minute 20, c'est long, hein, t'as le temps. Ouais, franchement, c'est gérable. Ouais, tu peux lui raconter ta vie. Limite. Je te demande s'il voulait prendre un café avant. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Oui, excusez-moi de vous déranger, enfin, je me permets d'appeler. J'aurais besoin d'un taxi, si vous voulez. Je travaille sur Strasbourg, sur croisière droite, sur des croisières. Je voudrais partir sur Budapest, en Hongrie, d'ici 2-3 jours. Donc, je voulais savoir déjà le taxi, si c'est possible de me prendre. Mais là, je suis à Rennes, là. Ah, vous êtes à Rennes. Oui, moi, je démarrerai de Rennes et je devrais partir sur Budapest. Donc, dans 2 jours, donc, c'est pour savoir déjà le tarif. Et c'est pas moi qui paye, c'est la société. Vous m'entendez? Sur Budapest en taxi. Tout à fait. Et la croisière, c'est la. Comment pas. Ça m'intéresse pas. Merci beaucoup. Ça vous intéresse pas. Pas de soucis, bonne journée. Au revoir. Et ben voilà. Tu fais quoi, c'est gangster. Mais attends, je vais raccrocher au nez, je crois. J'ai cru que je raccrochais au nez de Kevin. Du taxi. Toi, Kevin, il va se dire putain, les enculés, j'ai perdu ça, il m'a raccroché au nez, rien à foutre. Et dehors, mais. Allô Kevin. Oui allô, je vous cherche ouais. Un taxi. Ouais, c'est Amina, la foirée, elle t'a raccroché au nez, ça se ouais, fait, mais bon. Bête, laisse tomber. C'est cool. Mais tu sais, en même temps, elle le dit elle-même, on peut pas lui en vouloir. Je vous déteste, je déteste l'émission, les gens qui l'écoutent. Voilà, démerdez-vous. Voilà, alors raccroche au nez, voilà. Enfin. Bon, Kevin, bon, bah, malheureusement, c'est perdu. Hein. Bon, t'es pas tombé c'est sur pas quelqu'un grave. De commode, mais c'est comme ça, tant pis. Bon. Ah, c'est moi, j'ai bafouillé trop. Merci quand même. Tant pis, tu rappelles quand tu veux, Kevin. Salut à toi. Avec grand plaisir. Allez, tchuss. À bientôt, bye bye. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie. Car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'endra merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis. C'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles. Combien au paradis. On vit avec cette mélancolie. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la, la, la. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf ce que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï laï laï laï la la laï. À la vie, à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit en la vie, en l'amour. Maman donne meilleur conseil. dit maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie à l'amour. Donc danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie à l'amour. Énergie, salut tout le monde, bon réveil, bienvenue sur Énergie. Oui, pour passer avec nous cette belle journée, on va écouter Dinoro, Gigi D'Agostino, il y aura aussi Anna Kamura. Elle est nommée pour l'Energy Music Awards. Vous votez sur energy.fr pour vos préférés. En attendant, on écoute le meilleur du Rico Show, 20h, 23h chaque soir en direct pour vous sur Énergie. Et là, c'est le best-of. Le podcast du Rico Show, 20h, 23h sur Énergie. Et on parle des rumeurs, les rumeurs dont on est victime, à bon escient ou pas. Alors c'est vrai que des fois elle est un peu positive. Moi par exemple, je me rappelle d'un dos là, puisque Rebecca, elle a lancé une rumeur sur le fait que c'est un avion au plumard pour coucher avec des mecs. C'est ça ma Rebecca, on est bien d'accord? C'est ça. Et moi justement c'était un petit peu l'inverse. Je sais pas trop pourquoi j'avais rarement fait l'amour, tu vois, parce que je l'ai fait jeune, mais une fois et après j'ai tu vois, le temps est passé quoi. Et il y a une rumeur comme quoi j'étais plutôt pas mal au lit. Alors que en fait j'avais fait l'amour avec une nana, c'était sa première fois aussi, et cette nana là elle a véhiculé ça. Voilà l'explication. Elle avait éculé. Et après, la nana, elle avait déménagé et elle en avait parlé à ses copines et c'était monté comme quoi j'étais un tueur. Mais sauf non. que moi, en gros, entre le moment où j'avais couché avec elle et où j'ai dû recoucher, il s'est passé deux piges, je crois. Deux piges et j'avais pas consommé. Donc en fait, t'as tout le monde, même les nanas, elles osaient presque pas coucher avec moi. Tu sais, quand t'es jeune, t'as 15-16 ans, le mec, tu te dis putain, c'est un tueur un et expert. Tout. Ça fait un peu flipper pour les meufs de ton âge. Ah, oui. Et du coup, je me suis retrouvé confronté à cette rumeur et j'ai eu 2 ans de disette. J'ai rien bouffé pendant deux piges. Rien bouffé parce que tu sais, voilà, t'es là, je pouvais pas trop. Rien. Mais fallait faire taire cette rumeur. Ouais. Dire je suis nul au lit, bordel. Ouais, non, mais je peux la taire, moi, si tu veux. Non, mais tu vois, parce qu'un mec aussi qui est trop bon, ça fait flipper pour une meuf. Ah bah, surtout si c'est une meuf jeune. Quand si t'es jeune, quand tu démarres en plus. Ça fait flipper, c'est ouais. horrible. Elle a dit, ouais, j'ai perdu 4 kilos alors que c'est faux. Elle a dit, ouais, j'ai perdu 4 kilos, il m'a attrapé 1h30. Et peut-être que t'es modeste, peut-être que c'est vrai. Non, mais au début, t'es là, t'es content. Sauf que quand la meuf, elle se barre, tu vois, t'as plus rien à te mettre sous la dent. T'as eu deux rapports dans ta vie, le temps passe un petit peu, ça véhicule, t'es content, tu hausses les épaules, sauf qu'entre temps, tu pratiques pas. Et puis, quand au bout de 2 ans, tu peux pas te dire, quand t'es jeune, tu dis pas que tu fais pas l'amour. Ah, alors que ça fait 2 ans par rapport à la première fois, tu dis non, attends. Tu as 2 mois, je m'envoie comme un dingue. Je m'envoie, tu fais croire que t'es. Alors que non. Et du coup, après, ça devient compliqué parce que tu stresses. Et quand tu stresses, tu sais quoi? T'as des problèmes qui arrivent. T'es pas bon, tu trembles. Moi j'avais froid avant de faire l'amour aux gonzesses, je comprenais pas. Et je tapais froid avant de faire l'amour. Et en fait, ce froid, c'était la pression que tu chopais. Tu vois parce le truc qu'on attend beaucoup du coup. Eh ouais. Hein il y avait le froid même dans le slip. Ah ouais. Non, ça allait très vite. Ça allait très vite. Vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, depuis, tu t'es bien rattrapé par contre. Non, mais depuis, c'est un truc de ouf quoi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Non, c'est vrai ça. Mais t'es toujours en panique avant un rapport maintenant. Ça va, tu t'es calmé. Oh, c'était il y a 10-15 piges. Oh. Chano, j'arrive plus. Top froid. J'arrive plus. J'ai froid. Non mais c'est fou hein, ces trucs là. Ça vous a jamais fait ce truc là? Quand on est trop bon, quand on se voit trop beau tout de suite, il y a une rumeur sur un truc. Après derrière t'es en angoisse parce qu'il faut assurer. Ouais, c'est vrai. Moi ça m'a fait ça par rapport à la voix. Ouais. Je te jure, le directeur de casting m'a contacté. Mais non, de The Voice, je te jure, c'était il y a genre 3-4 ans. Bruno Berberès, directeur de casting de The Voice, avait entendu dire. Tu peux nous dire Bruno Chantal, sans les blases, tu sais, pour. Il y a toujours un gars qui se crédibilise. Ah ouais, j'ai un champagne de chez La Chouchot. Ouais. Là, tu dis, putain, La Chouchot, ça doit être énorme. En fait, c'est toi qui sais. Putain, c'est. J'ai plus de force. Et en fait, apparemment, il y avait une rumeur comme quoi je chantais de malade. Genre, elle, c'est une Rolls de la chanson, elle bossait avec Obispo, etc. Il était sûr, le mec. On m'avait surcoté. Et on me réclame pour le casting de The Voice. Parce qu'on dit attention, elle a fait ZP Kenyo. C'est Obispo, énergie, la meuf, elle s'envoie, tu la prends en number one. Et genre, j'arrive au casting de The Voice, j'entends les nanas qui répètent guitare et tous les voix de malade qu'elles avaient. Et là, je passe l'audition. Et c'était de la merde, ils m'ont pas pris. Ah oui, bah oui. J'étais surcoté. Mais c'est ça, c'est le surcoté. La surcote, c'est grave, j'aime. La surcote aussi, moi je l'ai fait quand je suis arrivé sur Paris, je m'étais fait collègue avec des Marseillais. Et voilà, le Marseillais joue au foot et tout. Et moi, évidemment, j'ai sorti la classique, centre de formation. Je suis désolé et tout, je suis en période d'adaptation, tout ça. Ils m'ont mis sur un terrain. T'as déjà pas la taille. Mais il s'est rattrapé. Derrière, ils ont fait un pastis, une pétanque. Là, c'était bon. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. We had the love. Elle attend vos votes sur énergie.fr. Now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And play me Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with the skinny like you play with your guitar. Energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. I can so overcomplicate. People tell me to medicate. Feel my blood running. Swear the sky's falling. I don't know if this shit's fabricated. Time goes by and I can't control my mind. Don't know what else to try, but you tell me. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. No, I gotta keep on breathing. Just keep breathing and breathing and breathing and breathing. No, I gotta keep on breathing. Sometimes it's hard to find my way up into the clouds. Doing it up, they can be so loud. Ouais, pour certains, les yeux à peine ouverts et déjà la playlist Énergie dans les oreilles, ça c'est cool. C'est Cédric sur Énergie Bienvenue. Il est 5h. On écoute Drake, Kaigo avec Imagine Dragons avant de le retrouver en direct dès 6h tout à l'heure. C'est le meilleur de Manu, dont 6-9 sur Énergie, vous êtes les bienvenus. t'attends. Je pense qu'il fait le matin. Rampe comme un serpent. Je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage, mais je suis sonné. Peut-être empoisonné, ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va tout vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre, Angela. Peace and love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage mais je suis sonné. Mon cœur est sous-zélé. Donc ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil. Pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas. Tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent. Je suis sur 200, un peu comme Satan. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Mariage, mais je suis sonné. Vous êtes sur Énergie, bonjour tout le monde, bon réveil. Tout à l'heure 7h05 et 8h05 pour bien noter que la journée il va doubler votre salaire. Hein. Ouais, Manu double votre salaire dans 6-9 sur Énergie tous les jours. Inscrivez-vous à Énergie.fr. En attendant, avant de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de l'émission. Puis derrière, ce sera Snake avec Cardi B et George Ezra dans la playlist Énergie. Énergie. C'est Manu dans 6-9. Je vais vous sortir des études qui commencent toutes par un Français sur 5. Ok. Ah, un Français sur 5 a déjà fait ça. Un Français sur 5 a déjà tenté de faire ça. Il est arrivé ça à un Français sur 5. Oui. Nous sommes 5 dans le studio. Ça veut dire que statistiquement, normalement, il y a au moins une personne qui va dire ça, c'est moi. Ouais. Écoutez ces études. Un Français sur 5 s'est déjà trompé de prénom lors d'un premier rendez-vous. Oh. Ah, ça, c'est moi. Ah, Paulette. Tu t'es trompé de prénom? Ah, mais c'était horrible. Je suis allée à un premier rendez-vous avec un mec et je l'ai appelé 6 fois au moins. Par le prénom de mon ex. Et donc au bout d'un moment, ça l'a complètement saoulé. À la fin du repas, il m'a dit en fait t'es super, mais fais le deuil et on se rappelle quoi. Bah ouais. Wow. Ah oui. Même ouais, 6 fois, il a attendu longtemps quand même. Ouais, non, mais un petit peu tête en l'air. Hein. Franchement, il était motivé. Ouais. Ah bah, toi en moyenne en revanche. Ouais. Un Français sur 5 a déjà triché un examen. Oh, nous sommes 5 dans le studio. Ah, non. Ok, c'est moi. Ah ouais, comment ça? Alors attention, j'ai triché un examen, mais j'ai pas. En fait, j'ai voulu aider quelqu'un. Non, c'est vrai. Je vous avais déjà raconté, c'était à la fac. J'ai fait quelques mois de fac d'éco pour comprendre vite qu'il fallait que j'arrête. Je suis à un examen, il y a un mec qui se retourne derrière moi et qui me demande t'as eu quoi comme réponse au numéro 3? Et moi, je lui dis moi, j'ai mis comme réponse et je donne ma réponse. Ouais. Et là, il y a le surveillant qui arrive, tac, qui nous prend nos deux feuilles. Ah, c'est injuste. C'est une triche gentille. J'ai voulu être gentil. Ouais. J'ai voulu être gentil et donner une réponse. Et on a été donc convoqué. Et le mec, quand même, a été très fair-play. On a été convoqué chez ce qu'on appelle le doyen à la fac, c'est-à-dire le responsable de la fac, comme le proviseur. Et le mec a dit, c'est moi qui lui ai demandé sa réponse. Le mec a dit oui, mais il n'avait pas vous donné la réponse, je divise vos notes par deux. Et t'avais combien? J'avais 6 déjà, donc j'avais 3. Autant te dire que de toute manière, franchement, ma réponse, même si je lui avais donné, c'était pas la bonne. On continue. Un Français sur 5 préfère la musique au sexe. Un Français sur 5 préfère la musique au sexe. Nous sommes 5 dans le studio. Personne n'aime la musique. quand même. Ok, ok, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver. On aime la musique, mais on préfère le voilà, sexe. C'est ça. Un Français sur 5 a une appli de rencontre sur son téléphone alors qu'il est en couple. Ah, ça c'est chelou. Ah, ça c'est, ouais, ça c'est moi. Bah. Oh. Si, j'avais Tinder quand j'étais en couple. J'avais Tinder sur mon téléphone, mais c'était pour le côté ludique, moi. C'est-à-dire j'aimais bien aller à gauche, à droite, et puis je marquais des points, tu vois, quand j'avais des matchs, ça faisait des sortes de points, quoi. Oh, mais ta copine, elle le savait ? C'était une sorte de jeu. Non, elle le savait pas vraiment. Je lui avais dit que je l'avais désinstallé, et puis ça me faisait rire de temps en temps, soit. Ouais, ouais, le côté j'ai Tinder, mais c'est pour rire, c'est limite. Hein. Non, c'était vraiment. Ah non, vraiment pour le coup, c'était pour rigoler. Si, si. Ouais. Non, c'était vraiment pour rigoler. Tu t'es tellement marré que t'es plus avec. Ça n'a rien à voir. Statistiquement, un Français sur 5 fera ses achats de Noël dès le mois d'octobre. C'est-à-dire, dès maintenant. Ouais. C'est qui ? Moi, Manu, moi je commence cette semaine là, c'est prévu, c'est planifié. Parce qu'en fait, chaque année c'est la galère. Et là je me dis, enfin je vais le faire. Donc il n'y aura pas de rupture de stock, jamais. Ah. Et surtout, pas de bousculade, personne qui te marche sur les pieds. Enfin, c'est le bonheur quoi. Oui, mais tu auras tout ce que tu veux acheter ? Bah oui. Déjà en octobre ? Bah oui, bien sûr. Oh là, ouais. Attends, mais j'ai battu Isabelle depuis le mois d'août. Moi j'ai déjà tout, il manque juste mon frère. Oh là là. Mais j'ai toute ma famille. Mais non. Bah c'est génial. Bah au mois d'août, t'as le temps et en plus il y a des soldes de temps en temps. Donc Ouais, mais le seul truc que t'as dans les magasins, c'est les parasols. Ça va leur faire plaisir à Noël. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone. Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Los motores de Kawasaki en la discoteca ni llegaron los anos.

ready to drop. I do what your body won't say, nah, nah. We don't need much, I'm all that. Ooh, mama, yeah, I mix that waist with the rhythm with just her a cappella. Shout to the world, you know this for everyone. C'est Cédric, j'espère que c'est pas trop dur le réveil là, pour vous ce matin. Bon, nous on fait en sorte que tout se passe bien. Voilà, avec vos hits préférés dans la playlist Énergie. Écoutez le nouveau Thérapie Taxi, il y a la tournée avec Énergie en ce moment dans toute la France. Inforesa.énergie.fr. Thérapie Taxi, Juice WRLD, la météo dans moins de 10 minutes. Et avant de le retrouver en direct à 6h, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bon réveil. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Nous allons parler de nos dilemmes du moment. Ah ouais. Quel est votre dilemme du moment? On a tous dans notre vie chaque jour des choix à faire, des choses à décider. Ah oui. Quelle est la décision que vous voulez prendre? Quel est le choix que vous avez à faire? Le dilemme de votre moment. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. En attendant vos appels, on fait le tour du studio. Nico, j'ai un gros dilemme avec ma femme là. Ah. Je reste ou pas? Non. Non, non, c'est autre chose, c'est sur la déco. Non, j'ai parlé de moi. Ah. Avec ta femme. Oula. Oh. Oula. Ça devient gênant. Ouais. Non, non, on doit changer de canapé. Ah. Et du coup, on sait pas si on prend un canapé classique ou un canapé d'angle. Mec. Ouais. Welcome. De. Dans le même dilemme que sérieux, j'ai en ce mais moment. Non. Je vous rappelle que je suis séparé. Donc ouais. Quand tu te sépares, bon bah on avait acheté des meubles, etc. Mmh. Voilà, il y a des canapés qui vont à droite, à gauche. Je dois retrouver un canapé. C'est pas évident. Et je suis exactement dans le même choix. Ah ouais. Il y a des jours, je me dis canapé d'angle. Bah forcément. Et le lendemain, je fais non, ce sera pas beau. Ouais. Je suis vraiment emmerdé. Mais je suis pas bien, j'ai pas la solution quoi. Ah mais moi non plus. Ah mais canapé d'angle, c'est vachement confortable. Tu travailles allongé et tout, t'es bien. Méga. Ouais, mais je sais qu'on va s'engueuler pour qui est à l'angle ou pas quoi. Tu vois ce que je veux dire. Alors moi c'est pas le problème parce que comme je suis seul. Ouais. Mais moi le truc c'est une fois que je suis allongé, est-ce que je vais pas devoir trop tourner la tête pour regarder la télé? Eh ouais, ouais. Par exemple. Oh, c'est non, est-ce que je pourrais jouer aux jeux vidéo allongé? Voilà, j'ai des vrais. C'est compliqué cette histoire de canapé d'angle. Ouais. Bon problème. Quel est votre dilemme du moment? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Paulette. Mon dilemme du moment, c'est savoir si je pars en week-end avec mes copines, genre gros week-end de fête, ou alors gros week-end chez mon père, mais de repos, il me fait à manger, il s'occupe de moi. Mmh. Ah, ça, je viens de recevoir un SMS de ton père. Ouais. Pars avec tes copines. C'est dur. Il insiste, il m'aime trop, ok. Mais oui, non, Paulette, prends du temps avec ton papa, c'est bien. Ouais, tu vois, c'est sympa, vous allez vous reposer. Et puis... ouais. Non, mais c'est parce que c'est chouette. Ouais. Parce que les copines, c'est bien, tu les vois beaucoup tous les week-ends. Là, peut-être comme ça, tu te reposes, tu reprends des forces et lundi. Ouais, mais quand je vais voir les photos sur Instagram de mes copines. Non, ah, ouais. C'est vrai que c'est rare que ton père il mette des photos de lui en soirée. En enfin, t'es pas abonné à son compte spécial. Quel est votre dilemme du moment? Bah tiens, Glandu. Moi, j'ai un dilemme vacances de Noël. C'est est-ce que je mets 170 euros dans des billets de train pour les vacances de Noël ou est-ce que je fais du covoiturage? T'en as pour combien de temps? De train? Bah en train, non, c'est... de voiture. Ah, de voiture, c'est loin. C'est 5-6 heures et en train, c'est 2h30, 3h. Quoi. Non, c'est pas pour toi que je, c'est pas toi que je pense. C'est au mec qui va devoir conduire. J'ai le statut d'ambassadeur sur BlaBlaCar. Ah ouais, je suis un covoiturant adoré, les gens m'adorent. Non, mais t'as le statut d'ambassadeur sur BlaBlaCar parce qu'ils veulent que tu sois ambassadeur dans d'autres pays. Mais non. Mélissa, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wouin. Salut. Bienvenue sur Énergie. Quel est ton dilemme du jour? Alors mon dilemme, moi samedi j'ai un anniversaire et je sais pas quoi faire. Est-ce que je participe au pot commun ou est-ce que je fais un cadeau personnalisé? C'est une très bonne copine ou une copine? C'est une copine, ouais, normale. Copine normale. Ah ouais. Moi, voilà. Dans ces cas-là, si c'est une copine normale et qu'il y a un pot commun qui est organisé, j'avoue que je me décharge de la responsabilité du cadeau et je vais dans le pot commun. Ouais. En plus, le cadeau personnalisé, il est toujours moins bien. Donc ton ami, il va s'en servir 3 jours et après, il va passer à autre chose. Mais bon, la cagnotte, il est cool le cadeau. Quoi. Non, mais le cadeau de la cagnotte, forcément, il sera plus gros, quoi. Ah ouais, bah c'est oui, ça. Il se met à... oui. Ou alors tu fais très fort et tu fais un cadeau personnalisé plus cher que la cagnotte. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Manu, parce qu'en fait, le pot commun, elle va dire ah ben mes potes m'ont offert ça. Et elle, elle m'a offert ça en plus. Ouais, et elle ouais, se rappellera ouais. de ce, non, cette elle, petite attention. Elle va dire ah ouais, alors il y a Coralie, elle m'a offert ouais. ce truc là pour mettre les photos. Ouais. Sinon, mes amis m'ont offert une moto. Ah ouais, c'est ça en fait. Mais en gros, c'est ça le problème. Un beau moi, je serais toi, Coralie, honnêtement, discreto, je suis dans le pot commun. Et puis voilà, tu rajouteras que c'est, ouais. tu lui glisses à l'oreille que c'est toi qui as eu l'idée du cadeau. C'est après, le truc qu'a déjà fait Glandu une fois, hein, c'est que tu signes la carte sans avoir mis d'argent. Ah, je l'ai déjà fait ça. Oh, ça c'est pas c'est beau. Pas... J'avais racheté mon nom au stylo alors que c'était des noms à l'imprimante. Du coup, je m'étais fait cramer. C'était pas très malin. Bonne journée, Mélissa. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. N'est pas le seum, fais-moi la bise. Ce soir, c'est sûr, elle est conquise. Papier, ciseaux. Avec ta zouze, entre en solo, c'est moi qui tease. J'arrive dans la pièce, t'es en susu. Ta meuf est trop bonne, mais j'ai trop bu. Jean, cocktail et costume bleu. Regarde amour, regarde feu. Tu paniques, t'es en nage et t'es perdu. Elle a lâché ta main dès qu'elle m'a vu. Luxe, hôtel, chambre sur mer. Je vis dans ses rêves, loin de ton cœur. Ta meuf est trop douce, je veux son nectar. J'ai senti la coco, c'est que c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. La gourmandise se voit dans ses deux yeux. Elle passe encore une main dans ses cheveux. Tu parles encore de toi, tu la saoules. Tu peux dire adieu à son boule. N'est pas le seum, fais-moi la bise. Ce soir c'est sûr, elle est conquise. Ma bouche à ses lèvres, je rêve de ça toute la nuit. Six ans dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. J'arrive dans la pièce, tu l'as perdue. J'étais dans la chambre et t'as rien vu. Puis j'ai vu ta goutte toute fraîche. Capter le balancement de ses fesses. Ta meuf sera ma queen pour une nuit. Je vais la gâter fort dans le lit. Comme une aventure où t'es pas là. Comme un plan à trois, un peu sans toi. Ta meuf est trop douce, c'est son nectar. J'ai senti la coco, c'est que c'est trop tard. Un peu de rhum coca, je la saoule. Au prochain verre, c'est sûr, je te coule. J'enlève sa culotte avant l'excès. Elle est déjà trempée, elle a plus de pied. On t'a encore perdu dans la foule. Tu peux dire adieu à son boule. Papier, ciseaux, avec ta zouze. Entre en solo, c'est moi qui tease. Ma bouche à ses lèvres, je rêve de ça toute la nuit. Six ans dans mon dos, j'ai suivi toutes ses envies. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle s'amuse, c'est sûr, tout doux avec moi. Laisse-la un peu toute nue dans mes bras. Elle me dit qu'elle n'a jamais fait ça. Je lui souris, lui montre la voix. À deux, l'amour se fera sans toi. À deux, ta zouze salira les draps. À deux, l'amour se fera sans toi. À deux, ta zouze salira les draps. Draps. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre et j'ai cramé tous ses rêves. Elle monte dans la fièvre, j'ai cramé.

sera viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tous sens des fils à fer et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. C'est Cédric sur Énergie. Bon, allez tout le monde. Alors, je mettais un petit peu vos stories là sur l'Instagram d'Énergie. Il y a ceux qui sont en train de se préparer pour partir au boulot. Il y a ceux qui bossent. Il y a ceux qui font du sport aussi. Salut à Fanny qui va courir 10 bornes là à Lille ce matin. Voilà, avant de partir au boulot. Elle sera bien réveillée. Elle voulait Sean Paul. On l'écoute. Sean Paul avec Dua Lipa dans la playlist Énergie. Et avant de le retrouver en direct dès 6h, c'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon réveil. Manu et les ouais. Manu dans le 6-9 sur Énergie. On lit les messages que vous nous envoyez sur nos réseaux sociaux et on écoute tous les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Nico partage ça avec nous chaque jour. J'ai récupéré là quelques questions que vous nous posez sur Facebook et on va tenter d'y répondre. Okay. Allez. On va tenter. On commence avec Camina qui dit: hello tout le monde, je suis secrétaire et mon boss m'a invité à dîner. Je fais quoi? Délicat ça. C'est délicat. Ouais. Vas-y, entrée plat dessert. Non, mais tu vas pour le dîner. Et tu sais quoi? Ce qui est bien avec Glandu, c'est qu'il prend le moment présent. Oui. Il n'y a pas de question de et après. Mais c'est vrai, il voit juste un dîner. Profite du dîner, entrée, plat, dessert. Ouais. Et puis après, s'il y a des avances, tu les refuses, quoi. T'as le droit de les refuser. Mais elle a le droit de les accepter aussi. Elle va manger. Aussi. 14%, j'ai lu ça, il y a 14% des couples qui se rencontrent au travail. Non, vraiment, j'ai lu un article hier. Donc ça peut être le début d'une histoire d'amour, mais vraiment. Comment, Isabelle, tu lis un article là-dessus et tu retiens le chiffre, 14% des gens. Non, mais c'est incroyable. Mais je pense que c'est à cause de tes sondages du matin. C'est pour ça. C'est la première fois qu'on sort un chiffre dans cette émission. Monsieur, j'ai lu une étude, 14%. Alors si vous avouez que 14% des gens se rencontrent au travail. Je vais passer une autre question parce que j'ai mal au crâne. Ouais. Bon, Alban sur Facebook aussi nous dit... Donc Amina, on en a rien à foutre. On a répondu quoi. C'est ce que Glandu a dit à la limite. Pour moi, il faut accepter le moment présent. Ouais. Ok, d'accord. Fais le moment présent et tu vois cool. Après. Oui. Ok, en gros, démerde-toi. Oh, non. Ok. Bon, une autre question d'Alban qui dit: on peut porter les chaussettes avec un short? Oui, si tu t'appelles Antoine Griezmann. Ah ouais, ça marche. Fin du débat. Ouais. Et une dernière question d'Héloïse qui dit: les garçons, vous aimez bien les striptease, j'aimerais en faire un à mon homme. C'est pas mal ça. Hein. Honnêtement, on répond honnêtement à 3. 1, 2, 3. Oui. Voilà. arrêtons de la jouer. Ouais, c'est une question. Non, on aime bien. Bon, des questions, on en reçoit aussi beaucoup sur notre application Mélian 6.9 par message vocal, comme par exemple celle-ci sur le fromage. Salut Manu, salut les voisins. Voilà, j'ai eu une conversation avec ma copine et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Vous êtes plus fromage sans pain ou fromage avec pain? Merci. Alors, ce qui est génial, c'est pas tellement la question. Ouais. C'est qu'à un moment, il s'est posé avec sa copine en se disant, alors, avec ou sans pain le fromage? Moi, j'ai envie de dire, tu vois, du bon reblochon avec une belle tranche de pain de campagne, ça peut être vraiment orgasmique, tu vois. Un peu ça. Ah, mais ça fait longtemps que t'as pas fait l'amour. Bon, la semaine dernière, on a aussi évoqué nos moments gênants de nudité. Et il y a Chris qui veut nous partager le sien. Salut Manu, salut l'équipe. Au sujet de l'histoire de nudité là, que vous avez fait il y a quelques jours, moi j'en ai une. Ayant des soucis de santé, j'étais parti voir un nouveau docteur. Il m'a demandé de me mettre tout nu. Je me suis mis en caleçon, il m'a dit non, enlevez tout. Et situation très gênante, il avait ma copine assise en face de moi, ça faisait 2-3 mois j'étais avec elle. Et à côté d'elle, il avait ma mère. Voilà. Bon, ouais. Oui, après, ta copine, elle t'a déjà vu nu. Ah ouais, mais. Ta mère t'a déjà vu nu. Ah, mais pense à la mère. Non, ça aurait été plus emmerdant s'il y avait la mère du médecin. Là, je dis pas. On attend un petit dernier message. Ouais, on finit avec un joli message vocal d'un enfant court et précis. Ma maman, sur la route, elle insulte tout le monde. Ah ouais, je vous l'avais dit. Tu sais quoi? Je trouve ça génial. Ah ouais, ça balance. Vous êtes un enfant, demandez à vos parents qu'ils téléchargent l'application Manu dans le 6.9 et balancez sur eux. Ah mais oui. C'est bien ça. C'est génial. Ah oui, bon. On peut le réécouter. Ouais. Ma maman sur la route, elle insulte tout le monde. J'adore. Dès 6h. C'est Manu dans le 6.9 qui vous réveille sur Énergie. They all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they cap. A piece of game, I'm in love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Gotti. It's how it's not dig the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, to baby, you. That is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Feel your eyes. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They try to hate, hate, hate, but we won't change, change anything at all. Oh, we gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They think we just drop out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. C'était juste pour vérifier si tout le monde était bien là et tout le monde était réveillé. Soyez les bienvenus, on démarre l'émission dans 5 minutes, comme chaque jour. On est là avant de démarrer. Parce que oui, ces 5 minutes-là, mine de rien, cumulées chaque jour, ça fait des heures et des heures en plus. Ouais, oui. Mais non, non, nous ne sommes pas payés pour faire ces 5 minutes en plus. Et non. Mais non. Parce que nous ne voulons pas être payés pour ces 5 minutes oh en plus. Non. Si nous étions payés pour ces 5 minutes en plus qu'on fait chaque matin, elles n'auraient pas le même goût. Ouais. On serait là, oh ouais, on est payé pour le faire, on va le faire de façon mécanique, comme ça, comme si on vissait des boulons ou qu'on faisait un tableau Excel. Non. Non. Non. Ouais. Et c'est possible parce qu'on n'est pas payé qu'on peut faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, oui. C'est vrai. Alors attention parce qu'on n'est pas assuré non plus du coup hein. Si, s'il arrive quelque chose, si on se blesse pendant ces 5 minutes, faut faire très attention. Effectivement glandu ouais. Si on se blesse pendant 5 minutes vraiment, mais ouais. Là tel que tu commences à parler, je vais te blesser hein. Et tu ne seras pas assuré. Excuse-moi, je retire. Tous les jours à 5h55, c'est le club du 555. Et on se fait un petit plaisir, on s'écoute un titre qui va nous lancer la journée. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, il a déjà 46 ans, Eminem. Waouh. 46 ans le bonhomme. Waouh. Ouais. Alors je vous rappelle quand même qu'il a fait, avec son duo avec Rihanna, Love the Way You Lie, 1 618 299 640 vues. Purée. Ouais, c'est pas mal. Ça fait 1 milliard de vues mal. De plus que nous, tout cumulé. Eminem et Rihanna, Love the Way You Lie sur Energy. J'adore ce titre. Ouais. Il est bien, hein. Oui. Le oui, début, je le kiffe. Ouais, ouais. La voix de Rihanna, c'est oh, incroyable. Allez, allez. Dès le début, oh ça te prend, ça te... Oh là là. Vraiment, quoi. Allez, allez. On veut l'écouter, Manu. Ouais. Oh, elle veut l'écouter. Mais tu peux l'écouter chez toi, non? Oh bah, non, bah, je suis venue, c'est pour l'écouter aussi. Pardon, c'est vrai, on n'est pas payé. C'est vrai. Non, ouais, c'est Mila Mariana sur Energy. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry.